us, give us. And we must do an RMC set. And I'll put bitch. Oh. Équipe. 28 en Libye, ça bibi des nègres à 150k. J'arrive dans le jeu comme tout sauté à 54. Est-ce qu'on les fouette, est-ce que c'est fois 9, ça fait 54. Vite, vite, tu connais la réponse. Si c'est pas pour du bif, tu connais la réponse. Qu'est-ce que tu cibles, ça c'est du shit. C'est quoi les 3 chiffres, tu connais la réponse. Bruce, proof, boulette, 6, 6, 7. On arrive plus blindé que les fourgons. Je peux faire du lin que les bourbons. Là pour le cash, faut remplir les coffres, blindé les fourgons. Des faves, j'en veux plein dans le sac. Bélec à toi si on t'attrape la main dans le sac. Barreau dans la zone, mets les gains dans le sac. Et sur le black, faire cash, frappe l'un dans le sac. Pose la de zéro comme si je viens du Canada. Afro et sort la loud qui vient du Canada. Expose un pied à MTL, j'appelle zéro pour qu'il me sorte du lin du Canada. Avec mes négros coupe le gâteau, le produit arrive par l'avion ou le bateau. Pour les forains apportés direct d'Italie. Avec les cheveux sous le capot, tu traînes avec des bitches et des pookies. Je traîne avec des mitches et des tookies. Pas de biscuits ni de crème glacée quand on parle de gelato et des cookies. Dans le labo comme Nico Negro. Normalement ils vont descendre comme Nico Negro. R.E.P. moi, Marc Kadhafi. Fuck la France tous les jours comme Nico Negro. Fuck le trip si je suis pas dans les packs. Fut 18, tu graves dans les packs. Équipe, tu es éclaté devant la page. Je me sens comme Paolo devant la cage. Équipe, Shenzhen, qui lui a vie. Fuck un Rothschild, fuck un Rockefeller. Puis j'ai grave la dalle comme si j'étais gros et négro. J'ai les crocs comme un Rottweiler. Je la baisse jusqu'à ce qu'elle me dise qu'elle a des crampes. Si tu sais, c'est pas des lol, c'est pas des pranks. L'objectif se rapproche, j'arrive déterminé comme Adolphe dans les années 30. Je mets le lin dans le Mazda tropical. Tu t'allumes comme moi, tu finis avec des rendez-vous chez un psy à l'hôpital. Je reste low key, je t'allume à de l'eau picale. Chaise est branchée au cartel comme Rallo. Rafa la prod comme Allo. Hack shit, trap shit, toi qu'est-ce tap shit, négro comme Rallo. Tu es en F1T en karting. Tu peux pas gagner même en 100 parties. Je suis dans le complot comme en Antarctique. Inch'Allah bientôt je remplis un grand parking. Négro l'objectif c'est des forêts. Rap je sais du gâteau, bitch c'est des forêts. Ça va faire 10 ans que je m'allume. Ce que j'ai con ça fait des forêts. Zéro dans le Sprite on dirait du rosé. Tu posé, j'écoute du rosé. J'arrive gars c'est négro, j'arrive Rital. Tu es bel négro, je suis osé. SODGK le muezin. Où est la dope? Où est la dope? Pétasse, pétasse. Où est la dope? Dope, dope. Hein? T'es le bleu, flacon rouge. Transcar pour la comme un flacon rouge. Pétasse. T'es le bleu, flacon rouge. Transcar pour la comme un flacon rouge. Pétasse, pétasse, pétasse. T'es le bleu, flacon rouge. Transcar pour la comme un flacon rouge. Pétasse. Pétasse. Équipe, équipe, équipe, MSLTO, NLMC, 7 pétasse.